Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Hélène de Vestel. Bonjour Julien. C'est très bizarre de t'appeler Hélène de Vestel, mais ça te pose là, voilà, c'était important. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, avant de nous lancer, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologique et culturelle, une banque que tu dois bien connaître, Hélène. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler avec toi de comment se former aux questions écologiques, mais aussi aux questions de santé ou d'éthique. Et plus largement, nous discuterons de l'importance de l'éducation tout au long de notre vie, de la nécessité d'avoir une vision globale et de cultiver son esprit critique. Voilà, un vaste programme. Mais pour commencer cet échange, Hélène, moi, à chaque fois, je pose un peu la même question. Donc là, c'est, je le dis tout de suite, parce que vous allez sans doute le sentir dans notre conversation. Avec Hélène, on se connaît bien. On a eu l'occasion de travailler plein de fois ensemble. On reviendra sur des moments de notre parcours qui ont été un peu similaires. Mais je me permets un peu de, comme ça, d'avoir cette question, comme si on se rencontrait. Donc c'est très étrange. Mais toujours est-il que toi, imagine que tu rencontres des personnes qui, là, en l'occurrence, sont vraiment nouvelles. On n'est pas dans un podcast, on est dans la vraie vie. Arrive la question fatidique, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds que je suis formatrice en transition écologique, sanitaire et sociale, et que du coup, j'accompagne des individus, des organisations à se poser des questions, à s'interroger et à co-construire des solutions pour que notre monde tourne un peu plus rond. Donc, experte en... formatrice en transition écologique, sanitaire et sociale. Tu as toujours ce triptyque, le triptyque on le revoit sur tes réseaux sociaux, sur le site internet d'EDENI, puisque tu es formatrice à travers la plateforme EDENI, le mouvement EDENI, l'organisation EDENI. Pourquoi ce triptyque-là en particulier? Ce triptyque-là, parce que pour moi, ça a toujours été un écueil, de mon point de vue. Je trouve ça très très bien d'aller dans ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire depuis 3500 ans, on essaie de se spécialiser sur des problématiques. Par exemple, la médecine, les toutes premières études de médecine comportaient des aspects aussi bien nutritionnels que du fonctionnement des fluides au sein du corps, que des opérations, que de la peau, etc. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des spécialités, on est rentré dans plus en plus dans l'expertise très localisée, jusqu'à ce qu'on ait des spécialistes du genou, qui étudient absolument le genou, comment améliorer le genou, comment améliorer ses performances sportives, se remettre d'un trauma au genou, etc. Ce qui est très bien, mais... ce qu'on a perdu en cours de route, c'est cette capacité holistique à revenir à ce qui entoure le genou. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver une super pilule qui va guérir un problème, un petit picotement, admettons, au genou. Sauf que on n'étudie pas que cette petite pilule qui améliore ça, peut-être qu'elle va avoir d'autres effets plus négatifs qu'on appellerait par exemple les effets rebonds sur le foie ou sur le cerveau ou sur son environnement. Est-ce que ça va pas générer des perturbateurs endocriniens qui, libérés dans nos urines, vont aller féminiser tous les poissons des cours d'eau qui ensuite vont se retrouver dans l'eau potable qui aura été traitée, mais mais qui n'aura pas pu voilà traiter ces petites particules. Donc ce côté un peu dommageable d'étudier tout en silo et de laisser les choses de côté m'ont apparu évidentes aussi dans le milieu écologique duquel je venais. Alors moi je venais plutôt du côté militantisme féministe en Argentine. Je me suis intéressée assez tôt aussi à l'écologie, aux questions dites de développement durable, même si ça peut sonner dans certains cas pratiques comme un oxymore. Mais en tout cas, voilà, se dire c'est dommage qu'on étudie l'écologie à fond en se disant « tiens, on va réduire les émissions carbone d'un produit au détriment eh bien de l'éthique ». De la manière dont on va le mettre en place. Et pour terminer sur un dernier exemple, j'ai toujours été frappée d'entreprises qu'on accompagnait ou d'organisations qui disaient bah voilà, on a envie de faire intervenir des ESAT ou des bénéficiaires en situation de handicap, par exemple. Donc c'est génial, c'est un super projet et là on est tout à fait dans l'éthique, dans l'inclusion, dans le vivre ensemble. Mais on va organiser un goûter avec que des produits ultra industriels, plein de phtalates, de perturbateurs endocriniens et dans des gobelets plastiques jetables. Et c'est dommage de pas pousser la cohérence à se dire évidemment on sera jamais parfait et le but c'est pas de se tirer dans les pattes ou de se culpabiliser dès qu'on n'est pas parfait sur tous les plans. Mais à minima de s'interroger sur la cohérence, quitte à se dire ok, on va baisser un peu les curseurs sur tous les niveaux et pas seulement en avoir un où on va être à 10 sur 10, mais les autres à moins 20 ou moins 30, quoi. Et comme je le disais en début d'interview, on a eu, nous, l'occasion de se croiser à plein de moments, Hélène. Tu as notamment participé pendant un an à l'émission « Ça commence par nous », qu'on a créé ensemble sur la radio Rage. Et en fait, surtout, on était au sein de l'incubateur pour les projets Impact de l'ESSEC à Paris, qui est intitulé Entropia. Moi, à l'époque, j'avoue que je savais pas trop ce que je faisais là et je savais pas trop quelle tournure j'allais donner à cette initiative Ça commence par moi qui avait eu un bel écho. Et toi, tu avais une idée plus claire sur la mission d'EDENI, qui était de former les gens pour se mettre à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça que je suis très content de t'interviewer, parce que tu as toujours voulu apporter de la complexité à ces questions. Et c'est aussi dans ta bouche que j'ai entendu, je pense, une centaine de fois le mot « holistique ». Donc, ça n'a pas loupé, ça y est, tu viens d'en parler. Et à la fois, j'ai l'impression que... Ça, je parle de choses qui sont peut-être 3, 4, 5 ans en arrière. En 2021, j'ai l'impression que la mission des dénis, elle a quand même pas mal évolué. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette évolution et où est-ce que vous en êtes maintenant exactement ? Exactement, elle a pas mal évolué, ce que je trouve tout à fait cohérent avec le fait que la société évolue pas mal aussi. Donc on doit s'adapter, on cherche vraiment pas à avoir raison, mais à être efficace. Donc forcément, on ne reste pas, on va pas quand même reproduire ce qu'on est capable de critiquer d'autres structures très figées et voilà, incapables de se remettre en question. Et EDENI, ça a commencé donc comme une association d'aide à l'autonomie et de petits ateliers zéro déchet dans des bidonvilles à Bois d'Enzer. Et quand je suis rentrée en France pour un souci de cohérence, ESE, de pas être que dans l'éthique et l'écologie, mais aussi moi-même de pas prendre l'avion, eh bien, se posait la question, effectivement, quand on s'est rencontrés à Entropia, de se dire, OK, moi, j'ai ces compétences, voilà, ces connaissances acquises quand je travaillais au gouvernement argentin et quand j'étais consultante en strat, de formation, de rencontre d'experts, une grande capacité de synthèse, de plein d'études ou de, voilà, de pouvoir créer justement ces programmes pédagogiques, mais il me manquait vraiment à qui on va s'adresser, en fait. Et ça a été, c'est toujours d'ailleurs en discussion et en évolution de se dire d'un côté, on a l'envie d'être le plus inclusif et le plus ouvert possible, parce que comme le sujet des 2030 glorieuses, c'est de provoquer le changement nécessaire et donc d'impliquer tout le monde là-dedans, dans une sorte de voilà transition joyeuse, enthousiaste, où finalement on aurait toutes et tous pratiquement à gagner. Évidemment qu'il y aurait des privilégiés qui devraient remettre en cause certains privilèges, mais en tout cas de se dire que voilà, à échelle globale, on n'a pas le choix dans tous les cas que de changer radicalement notre modèle. Donc essayons d'y aller avec le plus d'intelligence collective possible. Néanmoins, quand on essaie d'être efficace et surtout qu'on a un contexte en France, on s'aperçoit, et le rapport d'Oxfam que je t'ai vu partager aussi, qui était sorti en 2019, le démontre très bien. En France, et a fortiori dans les grandes métropoles, il y a un capital financier, patrimonial, culturel, qui entraîne de facto, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pétri de bonnes intentions ou non, une émission carbone et une pollution en général, et un impact en général, beaucoup plus négatif. Parce que plus on a d'argent, plus on consomme, et plus on consomme, plus on pollue. Même si on essaie de consommer de plus en plus bio, de plus en plus local, responsable, évidemment que c'est très bien et que c'est à encourager, on aura toujours un impact. Donc là encore, le but n'est pas de s'auto-flageller et de se dire, voilà, on va tous aller vivre dans une grotte sans rien du tout. Mais juste de prendre conscience déjà, de briser le tabou et le déni autour du fait que même si on réoriente nos consommations vers de la consommation responsable, ça reste de la consommation. Donc finalement, les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées, challengées, éduquées dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas avec condescendance, mais vraiment avec implication, eh bien finalement, c'est les personnes qui ont un pouvoir d'achat et d'influence le plus important. Et nous, ça a été une vraie révélation grâce à Entropia de vraiment se poser là-dessus et de se dire « Ok, du coup, on va assumer de s'adresser à des personnes en transition professionnelle, par exemple, qui ont donc les moyens de se poser ces questions-là. » Et il y a des assos de terrain qui font un travail extraordinaire avec d'autres types de bénéficiaires, et c'est très bien, et c'est génial. Mais le but des dénis, et du coup on s'est vraiment posé la question de pas réinventer la roue, de pas faire ce que des assos déjà extraordinaires faisaient, ou des assos ou des médias d'ailleurs comme le tien de sensibilisation, mais de se dire ok, on a envie d'avoir un impact qui duplique pas ce qui existe, qui réinvente pas la roue et qui est vraiment efficace. Et du coup ça a été déni, s'adresser d'abord du coup à des individus qui étaient vraiment en réflexion pour éviter les fausses bonnes idées dans leur vie, auxquelles la transition personnel, écologique, est-ce que ça s'arrête aux éco-gestes, est-ce que voilà, jusqu'où ça va, quelles sont les fausses bonnes idées dans mon quotidien. Et puis après on est allé vers les organisations forcément pour dupliquer l'impact, l'échelle, et puis s'adresser à plus de personnes parce que forcément il y avait un financement derrière qui n'était pas forcément le même au niveau individuel. En tout cas pas entrer dans les mœurs, parce que les gens voilà achètent des smartphones mais pas forcément des formations. Et puis là de nouveau on s'interroge sur voilà se réorienter vers la transition professionnelle, parce que bah comme tu le fais très bien en accompagnant avec 2030 Glorieuse, il y a un vrai sujet sur se poser la question de, il y a déjà des alternatives professionnelles pour s'épanouir, pour réussir à avoir respecter les règles du jeu économique qui nous sont imposées sur avoir des revenus, et en même temps donner un sens à ce qu'on fait et ne pas être dans la destruction, mais au contraire dans la gradation et l'amélioration des conditions de vie pour tout le monde. Et ça existe déjà, mais c'est trop peu connu. Et il y a encore une fois des fausses bonnes idées. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'ils doivent se sacrifier pour être dans le juste, pour être dans le donner du sens à sa vie, répondre à ce qu'on appelle son ikigai, sa quête de sens. Alors qu'en réalité, on peut très bien être dans un groupe parce qu'on a des dettes à payer ou des choses comme ça, mais être très radical et très honnête sur l'objectif, premièrement, qu'on sert, sur les personnes qu'on soutient, donc des potentiels mouvements de résistance ou des assos, des actions directes, et en plus, son degré d'influence. On peut très bien être un lanceur ou une lanceuse d'alerte en interne, faire transiter des informations, avoir une double vie la nuit, j'en sais rien, ou alors juste être un relais très puissant en disant « Tiens, t'aurais pas écouté ce podcast, tiens, tu devrais voir ce documentaire », ou juste en affirmant ses convictions lors d'un repas de famille ou d'un comex, en disant « Bah non, je suis désolée, mais moi, cette remarque raciste, sexiste ou anti-écologie, bah elle passe pas », et affirmer ça. Donc c'est tout ça qu'est déni permet de contempler. Donc on offre un panorama de connaissances autour de cette transition possible, avec un comité scientifique qui nous permet d'éviter de dire trop de bêtises, même pétri de bonnes intentions, parce que très souvent on est emporté par son enthousiasme, on a le biais du nouveau militant, on a envie de voilà, d'être ultra proactif, bienveillant, mais on peut dépasser un peu la réalité des arguments fiables et non fallacieux. Donc on fait vraiment très gaffe à ça avec notre comité scientifique où il y a des nutritionnistes, des économistes, des dentistes même, voilà, pour avoir encore une fois des réponses sur des axes très experts, très précis. Et à l'inverse, nous, on va apporter ce panorama, ce lien entre les différents domaines pour éviter les effets rebonds et pour que les gens retrouvent leur esprit critique et leur pouvoir de décision éclairé. J'ai envie de réagir sur plusieurs choses que tu viens de dire, Hélène. La première, c'est qu'effectivement, il faut savoir là où on est bon et donc accepter qu'il y a d'autres personnes, d'autres organisations qui travailleront sur d'autres thématiques, d'autres angles d'attaque et c'est tant mieux et c'est même stratégiquement beaucoup plus opportun. J'aime aussi le fait que tu oses dire que si on veut vraiment avoir un impact, plutôt que de se poser toujours la question de mais où ils sont où les pauvres, les populations les plus vulnérables, etc., ils ont besoin de s'élever, de s'éduquer. On peut tomber très vite dans ces travers. J'entends souvent cette remarque dans les conférences, les tables rondes. Exact. Alors qu'en fait, on pourrait faire exactement le même constat avec les populations les plus aisées. Et moi, je rêverais plutôt que de voir des personnes de Seine-Saint-Denis, voir des personnes de Neuilly dans nos interventions, dans nos cercles. Et c'est au moins aussi rare et peut-être même plus rare, alors que pourtant, ce sont les gens qui ont les plus forts pouvoirs d'achat et qui ont en plus un impact d'influence sur toute la société à différents niveaux. Et là où je voulais t'entendre très rapidement, il y a deux choses qui m'intéressent là. C'est, et d'une, vous avez très clairement ciblé les entreprises, parfois même les grosses entreprises. Et là aussi, on peut vite tomber dans l'écueil de dire, moi, ma pureté fait que je ne travaillerai pas avec les grosses entreprises. Moi, je sais que vous n'avez pas hésité à intervenir, par exemple, chez la Société Générale. Donc là, on est sur les grands, grands méchants loups. Je vois sur votre site les Galeries Lafayette. Donc pareil, et le temple de la surconsommation. Donc j'aimerais que tu me dises pourquoi vous estimez que c'est au contraire là-bas aussi que le combat se mène. C'est exactement comme ce que tu as dit en fait, c'est-à-dire que on peut chercher à avoir raison et être dans la pureté, ou on peut chercher à être efficace. Et je dis pas que l'efficacité se situe forcément là. Nous, ça a été un chemin où on s'est dit, voilà, rapport d'Oxfam, les rapports des inégalités, etc. Et malheureusement, comment fonctionne le monde? On aimerait pouvoir s'en passer, on aimerait pouvoir être, cultiver un entre-soi très bienveillant, zadiste, écolo, etc. Néanmoins, si Kim Kardashian devient écolo, même de manière très imparfaite, ça aura 10 fois plus d'impact, 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus d'impact que de créer un éco-village. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous connaissez Kim Kardashian, n'hésitez pas à la renvoyer vers nous. Exactement. Et d'ailleurs, avant que je te redonne la parole, Hélène, tu as parlé deux fois d'Oxfam. Donc le rapport que tu mentionnes, il est sorti en 2019 de mémoire, c'est l'empreinte colossale des banques françaises. Et ils viennent justement de sortir un nouveau rapport en mars 2021 qui s'intitule CAC, degré de trop, CAC. Degré de trop, le modèle insoutenable des grandes entreprises françaises. Et effectivement, ça montre que ces grandes entreprises, elles nous dirigent pour l'instant plutôt vers une tendance à un réchauffement climatique de plus 3,5 degrés d'ici 2100, alors que l'objectif de Paris, il est de 1,5 degré. Exactement. Alors là, c'était pas le rapport sur les banques françaises, c'était le rapport sur les inégalités de richesse qui engendrent des émissions carbone. On voyait que les 10% les plus riches de la planète, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent au-delà de 39 000 euros bruts, enfin dollars en réalité, 39 000 dollars bruts annuels, ont participé à plus de 40% des émissions cumulées de carbone depuis je crois 15 ans, sachant que les émissions carbone sont loin d'être l'alpha et l'oméga des luttes ou de l'indicateur le plus pertinent. Il y a plein d'autres indicateurs très importants, mais c'est vrai que c'est celui qui est c'est la statistique en tout cas la plus facilement partageable et connue. Mais pour revenir sur Neuilly, Kim Kardashian and co, Galeries Lafayette, Société Générale et les grands méchants loups. Je vais garder cette phrase hein, pour revenir sur Neuilly, Kim Kardashian. Je suis pas convaincue, enfin j'ai vraiment aucune vérité à partager et j'entends tout à fait et on partage d'ailleurs beaucoup de convictions communes avec des groupes qui vont totalement rejeter cette approche et qui vont dire, en fait, c'est une perte de temps, ils changeront jamais et c'est s'illusionner et prendre le risque d'être corrompu. Alors, corrompu, pas dans le sens premier du terme, mais dans le sens, c'est-à-dire, en fait, on fait des compromis en allant voir ce type de population très réfractaire et très, voilà, et destructrice. Mais à quel moment on se dit, attention, là, on va verser dans la compromission. Donc, tout l'objectif, l'équilibre, c'est d'être dans les compromis nécessaires sans tomber dans la compromission facile, c'est-à-dire d'être acheté, de dire, bah voilà, maintenant, on a plein d'argent, on leur dit ce qu'ils ont envie de dire, voilà. Donc, nous, pour éviter de tomber dans cet écueil et garder d'être absolument droit et droite dans nos bottes quand on y va, c'est vraiment tout le temps de s'interroger sur, OK, est-ce que là, on est dans le compromis ou la compromission? Et pour ça, on a vraiment une discussion ultra horizontale, transparente chez Edeni, éthique. On se pose vraiment toujours la question, OK, est-ce qu'on va le faire de manière écologique, de manière éthique, de manière saine? Et est-ce qu'on ne change pas notre discours? Et en réalité, par exemple, la Société Générale, c'est très intéressant parce que j'ai des... Enfin, c'est pas devenu des amis, mais en tout cas, on a vraiment un lien voilà, très... de respect, on va dire, avec certaines personnes que je connais de la Société Générale, à la RSE, etc. Et nous, on n'a jamais changé notre discours, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on intervient dans un grand groupe, on fait des formations, on fait des accompagnements team building, des jeux ludiques, des ateliers, voilà, qui permettent de se rendre compte un peu de tous ces enjeux et de construire un plan d'action. On va jamais changer notre discours par rapport au grand public qui peuvent nous entendre sur des plateformes et d'avoir un discours très radical, très anticapitaliste, etc. C'est exactement le même. Mais on n'est pas dans la culpabilisation individuelle, en fait. On dit vraiment, voilà, évidemment qu'on se dit pas « demain, la SOG va changer du tout au tout », mais on se dit « vous qui êtes à l'intérieur et qui nous avez fait venir, vous êtes peut-être les 1% les plus convaincus, les plus volontaristes de la boîte, etc. Dites-vous bien que votre boîte, c'est une mythologie. Elle n'existe pas, c'est un mythe. La SOG, ça n'existe pas en tant que telle. C'est une somme d'individus, donc vous avez le pouvoir de faire changer les choses, même si évidemment c'est bloqué dans des structures inertiques très très fortes, mais vous pouvez changer les choses à toute échelle, d'abord dans vos équipes, de refuser l'injonction permanente à la compétition, au présentéisme, à faire des projets les plus polluants, voilà, de toujours être un peu le grain de sable dans un comex, dans une réunion, de transmettre des informations de plus en plus radicales et donc venir à la racine des mots et non pas de rester sur le symptôme, voilà, de juste changer les gobelets plastiques. Donc on a vraiment ce discours d'honnêteté et on n'est pas pour autant pestiféré et on n'a pas peur de nous. Parce que on le fait de manière enthousiasme. En fait, on suit vraiment les principes d'Emma Goldman. Si on peut pas danser dans votre révolution, alors on ne sera pas. Et le but, c'est de se dire, on n'a pas besoin, encore une fois, de se flageller dans une situation sacrificielle, mais au contraire, de voir que tout le monde en a besoin de cette transition radicale, qu'on n'en peut plus de tourner en rond, de remplir des tableaux Excel qui servent à rien, de mettre des choses à mal. Alors qu'on le sait intérieurement, mais on a du mal à poser des mots dessus. Donc, on libère la parole dans les équipes, et souvent, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, on n'a aucune illusion sur le fait qu'on ne va pas changer la SOG, en tout cas, pas avec un atelier dans un service sur 15 personnes, quoi. C'est juste pas possible. Mais on espère qu'en tout cas, on aura changé la vie de ces quelques individus, qu'il y aura un avant et un après, et on l'observe, il y a des gens qui nous recontactent 2 ans après et qui ont eu un parcours sur cet entonnoir de l'engagement, c'est-à-dire du très grand public, peu informé, uniquement intéressé par les quelques éco-gestes, jusqu'à un discours vraiment systémique, de remise en cause politique, etc. Donc ça nous intéresse et ça nous dit qu'on fait bien de se lever le matin et de le faire, tout en restant toujours dans voilà, pas s'illusionner, quoi, pas penser que on va changer le monde avec ça, c'est pas vrai et on pourra pas le faire tout seul. avec la certitude que vous aurez réussi à aller toucher des personnes qui ne seraient pas venues justement à toutes ces tables rondes et ces conférences dont je parlais. Donc c'est aussi une belle manière d'élargir le cercle. Hélène, j'avais envie de t'interroger sur le travail qui relie, mais en fait on en parlera directement en 2030 Glorieuse. Je me rappelais que tu étais une pipelette, hein, je le savais que tu allais répondre à deux questions avec des réponses de 10 minutes à chaque fois, parce que tu prends le temps de remettre le contexte et puis de donner des exemples, et à chaque fois ton fil de pensée est très fluide et tes réponses sont passionnantes, mais on prend beaucoup trop de temps et je veux surtout partir en 2030 Glorieuse avec toi. Donc si tu le veux bien, on passe à la deuxième partie. Mais avant de passer à cette deuxième partie, on a quand même un passage obligé, c'est celui d'une lecture, moi ce que j'appelle une bulle d'inspiration, une fenêtre d'utopie réaliste qu'on fait à travers la littérature. Et donc toi, tu es venu avec un extrait qui donne à voir à quoi pourraient ressembler ces fameux mondes de demain dont on parle de plus en plus. Lequel est-ce ? Eh bien, ce sera un extrait de Mon Ishmael, professeur cherche élève désirant sauver le monde, qui est un roman de Daniel Quinn aux éditions Libre, et qui parle justement de ces deux visions. Alors, en tout cas, dans l'extrait dont je parle, pour donner très rapidement le contexte, il y a un gorille qui s'appelle Ishmael, et qui est donc un gorille qui a la capacité de parler avec des humains via la télépathie, et son élève, qui s'appelle Julie et qui est une jeune adolescente, voilà, qui vient écouter Ishmael lui parler notamment des peuples premiers et de la manière d'éduquer dans le système tribal, sachant que il a deux manières, vous allez le voir, de définir l'utopie. Il y a soit l'utopie très volontariste qu'on a envie de mettre en place et qui va être positive, soit le fait que, comme on le dit aujourd'hui, en fait l'utopie, c'est de penser qu'on va pouvoir rester dans ce système sans en changer. Du principe que les gens y seront meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été, qu'à l'intérieur de ce système, chacun et chacune sera gentil, généreux, prévenant, altruiste, obéissant, compatissant et pacifique. On appelle ça une utopie. Et justement, Julie, vos systèmes, à vous, dans votre culture capitaliste, ils sont tous utopiques. La démocratie serait le paradis si les gens étaient meilleurs. Le communisme soviétique aurait pu être un paradis si seulement les gens ne l'avaient pas transformé en enfer. Votre système de justice marcherait parfaitement si les hommes n'étaient pas aussi mauvais. Même chose pour vos écoles. Donc finalement, votre système actuel ne convient pas. Le système tribal convient aux gens tels qu'ils sont et non tels que vous voudriez qu'ils soient. C'est un système on ne peut plus pratique qui a réussi aux hommes pendant des centaines de milliers d'années. Mais l'idée qu'il puisse vous convenir maintenant te semble bizarre, apparemment, Julie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je n'en ai pas l'habitude. Je crois que cela nous effraie un peu. Ishmael hocha la tête. Durant les premières années d'enfance, votre système éducatif ne diffère pas du système éducatif tribal. Vous dialoguez tout simplement avec vos enfants pour vos agréments mutuels et vous les laissez circuler dans presque toute la maison. Vous ne leur permettez pas, évidemment, de se pendre au lustre pour s'y balancer, ni d'enfoncer des fourchettes dans les prises de courant, mais pour le reste, ils sont libres d'aller et venir à leur guise. À 4 ou 5 ans, les gosses veulent pousser plus loin leur exploration, et ils ont en général accès au voisinage immédiat de la maison. Ils ont le droit de rendre visite à leurs petits voisins de palier ou d'étage. C'est un peu l'équivalent d'un cours de sciences sociales. À ce stade, les enfants commencent à se rendre compte que les familles ne sont pas toutes pareilles. Elles diffèrent par le nombre, le style, les façons de vivre. C'est alors que, dans votre système, on envoie les enfants à l'école, où leurs mouvements sont contrôlés en permanence. Dans le système tribal, cela ne se produit pas. À 6 ou 7 ans, les enfants commencent à avoir des centres d'intérêt divers. Certains sont casaniers, d'autres plus aventureux. Et puis surtout, ils ont envie d'imiter leurs parents, ils ont envie de découvrir ce que font les adultes et ils n'ont pas besoin d'être scolarisés. Ils vont tout simplement imiter ce que font leurs parents. Ils vont aller voir leur métier, ils vont aller découvrir le milieu du travail et le milieu social qui ne font qu'un. Ce n'est pas pour cela qu'on les exploite. Ce genre de choses n'a pas cours là-bas. On n'attend pas des enfants qu'ils travaillent comme des ouvriers à la chaîne, évidemment. Mais comment apprendraient-ils sinon ? Ailleurs qu'en faisant. Et puis quand ils ont épuisé les différentes possibilités d'apprendre et de s'amuser qu'offre le lieu de travail de leurs parents, et je te rassure Julie, cela vient vite, surtout si les mêmes tâches s'y répètent inlassablement, ils tournent leur regard ailleurs. Aucun enfant ne trouvera longtemps passionnant d'empiler des boîtes de conserve dans une épicerie. Le reste du monde l'attend en dehors. Supposons qu'aucune porte ne lui soit fermée. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'aura pas envie d'aller à l'université ou d'étudier des choses très précises, mais qui l'intéressent. Et bien, sur cette bonne claque d'Ishmael, je te propose qu'on parte tout de suite en 2030 glorieuse. Il y a plein de questions, mais je vais directement te les poser en faisant ce voyage. Donc, Hélène, c'est un exercice qui n'est jamais très évident. On va parler là, et en fait, on parle là, ça y est, des 2030 glorieuses dans lesquelles nous sommes. C'est un petit moment qui existe rien qu'entre nous deux, et donc il va falloir le décrire du mieux possible à toutes les personnes qui nous écoutent et qui, elles, sont restées en 2021. Donc, on va parler au présent d'une période qui se trouve dans leur futur, en essayant le moins possible de revenir justement dans ce passé de 2021 qu'on connaît malheureusement trop bien et dont on a besoin de s'extraire au maximum. Donc, tu es en 2030 glorieuse, je ne sais pas où tu es, mais tu regardes à travers une fenêtre ou tu regardes au lointain. Et qu'est-ce que tu vois, Hélène ? Moi, au lointain, je vois, alors pas forcément très loin d'ailleurs, juste sous ma fenêtre, qui est issue d'un recyclage de vitres anciennes. Donc la fenêtre est un peu abîmée, c'est vrai, elle a un peu fumé presque. Même si elle est propre, mais elle est fumée, on ne voit pas forcément parfaitement bien. Mais elle est encadrée de terre, un mélange de terre-paille. Et en dehors, on a le jardin. Et encore un peu plus loin, si vraiment j'essaie de projeter ma vue sur quelques kilomètres, plus loin, sur laquelle je pourrais m'y rendre, soit en vélo, soit avec un cheval qui pousserait une petite carriole, je retrouve une ligne de chemin de fer qui a été réhabilitée en vélorution, c'est-à-dire avec une sorte de petit véhicule sur lequel, avec une manivelle, en poussant, en étant à plusieurs, on peut comme ça parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Et en réalité, comme dans Lucky Luke. Ouais, exactement, comme dans Lucky Luke, pour ceux qui ont encore ces ouvrages du passé, qui étaient très patriarcales et sexistes, mais voilà, qui ont quand même façonné mon enfance. Et du coup, on voit, c'est vrai, très au loin, ce véhicule qui me permet quand même de temps en temps de retourner dans cette magnifique métropole de Paris qui est depuis plus du tout une métropole, a totalement évolué, mais dans laquelle j'ai beaucoup d'amis qui sont restés pour lutter et transformer justement totalement la ville, alors que moi, c'est vrai que c'était une vraie aspiration, un besoin de retourner à la campagne à quelques kilomètres pour participer à ce maraîchage autonome, à cette ceinture alimentaire autour de chaque zone un peu plus densément peuplée, parce que forcément tout le monde n'a pas pu aller à la campagne. Ça a été très vite, on a fixé des règles en collectif, donc des conventions, un peu comme des conventions citoyennes pour le climat qui avaient existé à votre époque, se sont opérées, mais sur un modèle beaucoup plus collaboratif. Maintenant, on est organisé, nous, en commune autogérée. Donc, c'est vrai que l'Île-de-France, par exemple, ça n'a plus du tout aucune... ça n'existe plus, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que si je demande à mes enfants s'ils connaissent l'Île-de-France, je pense qu'aucun d'entre eux n'est au courant. Alors, j'en ai que deux, évidemment, c'est limité. On n'a pas non plus envie de contribuer à augmenter la population de notre espèce Homo sapiens sur Terre. On a bien compris depuis que c'était aussi un des indicateurs importants sur notre limitation générale pour retrouver une sorte d'harmonie entre nous tous, quoi. J'entends que la société dans laquelle nous vivons actuellement, elle a radicalement réussi à reprendre sa place parmi le vivant. Avec forcément tout ce que tu dis de réutilisation, de sobriété, de questionnement de l'utilisation de notre énergie, etc., etc., de modes de vie qui ont été profondément bouleversés. Et à la fois, les 2030 glorieuses, elles sont pas si loin que ça de se passer en 2021 où tout semblait perdu ou presque. Comment on travaille au quotidien pour faire en sorte que tout le monde réussisse à vivre cette nouvelle société en se l'appropriant, en arrivant à gouverner cette vie plutôt qu'en retombant dans un nouveau suivisme. Ma question, c'est bien sûr que la société, elle a changé grâce à l'étincelle citoyenne qui venait d'un groupe finalement restreint, mais solide et organisé. Et on parle peut-être de 5, 10, 20, 30, peut-être plus de pourcents de la population. Et à la fois, il y a tout un tas de personnes qui ont été au mieux désintéressées, presque même réfractaires. Comment on les raccroche au wagon, ces gens? Comment on les forme? Comment on les accompagne pour que, comme tu le disais déjà en 2021, cette transition, elle soit vue comme une opportunité? Exactement, et c'est ultra important, merci de le rappeler, que finalement, entre 2021 et ces 2030 glorieuses, on n'a pas pris le chemin de la dictature verte, qui a été très longtemps discutée et qui aurait pu être une option, mais de laquelle on a évité de tomber dans cet écueil malgré le tournant très autoritaire que prenait le début des années 2020. Mais on a réussi à s'en écarter justement grâce à la communication, au cercle de parole, et de se dire que ceux qui ne voulaient pas en être dedans, évidemment qu'on allait empêcher les destructions et qu'on allait être très, avec des convictions très fortes, et on n'allait pas non plus être mou sur le fait d'empêcher les destructions et les injustices, mais qu'on n'allait pas obliger non plus tout le monde à avoir sa petite hutte de terre paille, etc. Donc il y en a encore beaucoup qui sont dans des immeubles, même les tours à la Défense ne sont pas démantelées, hein, elles sont encore là, et il y a encore beaucoup de personnes qui font du business un peu, alors évidemment que ça a changé parce qu'il n'y a plus de mondialisation effrénée, il y a eu vraiment une dislocation, alors je ne sais plus si en 2021 ma mémoire flanche, si c'était déjà l'époque du Brexit ou pas, mais après ça il y a eu aussi beaucoup de mouvements un peu d'indépendance des règles très administratives de quelques dirigeants non élus qui faisaient un peu leurs lois ou qui faisaient les traités de libre-échange, etc. Et finalement, il y a un peu une cohabitation en ce moment entre deux mondes avant de choisir ce qui correspondrait à un maximum de personnes, ou d'ailleurs de pas forcément choisir pour tout le monde, mais juste de laisser un peu plus de marge de manœuvre. Alors ça s'est pas fait tout seul, ça a été très compliqué, mais en gros, pour vous donner un exemple de ce qui peut peut-être vous parler, vous, à votre époque, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Mexique avec le Chiapas, qui est une région zapatiste qui a vécu son indépendance de l'État mexicain. Mais l'État mexicain a continué d'exister à cette époque, tout en ayant une petite bulle autogérée qui était née. C'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière décennie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bulles qui ont décidé de s'affranchir de certaines règles injustes, totalement amorales, etc. Et finalement, avec le premier mouvement des ZAD, ça s'est étendu sans forcément que ça devienne des ZAD partout. C'est-à-dire qu'il y a même des quartiers dans des grandes agglomérations qui se sont un peu indépendisés, qui se sont dit nous on va remettre des terrains en commun, on va s'entraider pour éduquer nos enfants. Donc on dit souvent il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est un peu ce qui s'est refait dans certains quartiers, et des personnes dont on était à la base il y a déjà 15 ans, enfin pas forcément à la base, mais en tout cas on en faisait partie, se sont vraiment dit maintenant nous on va s'unir, on va créer des liens entre nous, et on va se fixer des règles de déontologie en se disant ça on n'en veut plus et on va faire autrement. Et il y a des personnes qui ont réussi à le faire en restant là où elles étaient, et il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont eu trop peur de de cette différence entre le compromis et la compromission et qu'on préférait voilà, partir et continuer à être un agent d'influence positive, mais autrement. Mais du coup, on essaie vraiment de pas être moralisateur. Et pour embarquer tout le monde, on montre par l'exemple, finalement. Et il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent dans cette mentalité sans pour autant eux-mêmes changer du tout, tout, tout. Il y en a encore, voilà, qui sont... qui vont prendre le TGV pour faire 800 km tous les week-ends. Voilà, ça prendra plus de temps avant qu'on se dise qu'on a besoin de réduire encore davantage. Mais pour le moment, en 2030 glorieuse, il n'y a pas eu d'effondrement comme on aurait pu s'y attendre. C'est juste que les différentes pandémies qui nous ont touchés nous ont vraiment montré l'importance de l'autonomie, de la résilience et du local. Et ça, ça nous a beaucoup aidés. Et ce que j'entends, c'est que finalement, les meilleurs ponts à créer avec celles et ceux qui avancent pas aussi vite que nous, même si j'aime pas l'idée d'avancer parce que c'est une vision très linéaire, mais en tout cas accueille pas l'urgence écologique, sociale avec la même urgence que nous, avec la même envie de, voilà, d'apporter une alternative et de proposer quelque chose qui permettra de rendre cette terre dans un meilleur état que ce qu'on l'a trouvé. J'entends qu'il y a du coup des ponts qui sont créés à travers toute une présomption de bienveillance, d'intelligence chez l'autre. Et ça, finalement, ça se retrouve peut-être avec l'une des plus belles expressions dans ce qu'on appelait à l'époque la méthodologie du travail qui relie et qui permet d'organiser des temps où on arrive à mieux communiquer, à voir l'autre comme non pas une menace, mais au contraire une richesse pour apporter de la plus-value et créer une vérité collective qui aura forcément beaucoup plus d'impact que si on avait tenté de la créer seul. Oui, tout à fait. Le travail qui relie, ça nous a beaucoup aidé dans les 10-15 dernières années. À l'époque, Edeni, on faisait déjà des séminaires là-dessus pour aider toutes les personnes éco-anxieuses ou qui ressentaient ce qu'on appelle de la solastalgie, c'est-à-dire cette compréhension et cet éclairage sur le fait qu'il y avait des espèces qui disparaissaient à tout jamais et qu'on avait comme une sorte de futur idéalisé volé. En tout cas détruit. Et du coup, le travail qui relie permet de ne pas préjuger, de ne pas trop mettre dans des cases, mais de passer par des spirales. C'est-à-dire que, un peu comme la maïeutique interroge pour vous faire dire une vérité, bah, les personnes qui ne sont pas forcément embarquées, on leur fait reconnaître la gratitude de ce qui va bien dans leur monde et c'est génial. Voilà, souvent les gens qui appellent à uniquement du positivisme et à pas voir les problèmes, bah, c'est important de reconnaître aussi effectivement qu'ils ont raison, qu'il y a des choses qui vont bien, voilà. Mais après, d'aussi honorer sa souffrance pour le monde. Et ça, la partie honorer sa souffrance pour le monde, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le déni et qui s'en rendaient pas forcément compte en étant dans leur boulot, très successful, on va dire, la réussite sociale telle qu'elle était pensée dans les années 2021. Et après, on leur propose on leur présente un nouveau regard, en tout cas une nouvelle manière de voir les choses qui soit pas forcément spéciste, c'est-à-dire pas forcément que du point de vue de l'humain, mais du point de vue des animaux, des autres êtres, de parler de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Et ça, ça aide beaucoup à pas être dans le jugement et à pas présupposer que nous, on aurait la vérité absolue, en étant écolo, en voulant faire advenir une utopie parmi des centaines possibles, mais juste qu'on écoute aussi leurs ressentis et qu'on fait confiance avec l'effet Pygmalion dans l'intelligence d'autrui, quoi. Et Edeni, à quoi ça ressemble en 2030 glorieuse ? Eh bien, Edeni, on est devenu comme une sorte de coopérative éclatée avec plein de petites bulles partout en France. Donc, on se réunit via des caravanes qui peuvent circuler entre les différentes bulles et les différentes communautés une fois par an à peu près. Mais sinon, chacun est vraiment indépendant et ce qu'on se partage, c'est vraiment des pédagogies, des savoirs, des manières de mieux passer l'information. On est toujours à destination des adultes et toujours à destination des personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Il y en a beaucoup qui s'en sont totalement affranchis et qui sont devenus totalement autonomes et c'est génial parce que on sent à quel point il y a eu un énorme chemin de fait depuis 2021. Mais comme tu le disais, il y a encore beaucoup besoin de connaissances, de partage, des personnes qui s'interrogent et qui ont besoin de ces outils intellectuels, d'esprit critique, d'études pour s'interroger, d'autant que comme il y a eu un énorme blackout d'Internet lors de la dernière pandémie et des attaques et des cyberattaques, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées d'un coup sans Google. Et là, c'est le drame. donc voilà, on a essayé de remplacer un peu Google en repartant des savoirs innés et des tripes de chacun et de chacune. Et du coup, bah moi, je fais le lien. C'est aussi pour ça que de temps en temps, je reviens pas mal. Enfin, je suis toujours en lien avec la métropole parisienne, parce que il y a encore quand même des cercles de pouvoir, hein, des gens qui ne se sont pas libérés, qui ne se sont pas reconnus dans des communes autogérées aux alentours. Voilà, il y a encore du travail à faire et du coup on est là pour ça et on est toujours en lien avec d'autres collectifs et d'autres organismes un peu à la manière voilà d'un écosystème mucellaire on va dire qui s'occupe d'autres personnes que ce soit dans des éco-villages ou d'autres qui s'intéressent aux enfants qui accompagnent la bienveillance, la CNV, mais nous on poursuit notre mission initiale pour qu'on soit de plus en plus de personnes à pouvoir profiter de cette intelligence collective. Je savais que ça allait être passionnant, je savais que tu allais réussir à apporter de la complexité à ces 2030 glorieuses et tu l'as fait et c'était génial, on pourrait continuer pendant des heures comme ça. Et du coup, ça me donne à penser qu'il faudra vraiment un jour que j'arrive à trouver une manière de tendre une toile vierge pour que toutes les personnes à qui je donne la parole, elles puissent arriver à donner encore plus de couleurs, encore plus à dessiner à plus grand trait encore ces 2030 glorieuses, parce qu'à chaque fois, ces bulles d'inspiration là qu'on crée ensemble, je trouve qu'elles sont d'une valeur inestimable. Merci Hélène pour ça, pour ce jeu que tu as voulu jouer avec moi pendant une vingtaine de minutes. On revient en 2021 et là les gens, je suis sûr qu'ils sont tous et toutes à nous écouter en disant mais comment on fait, moi aussi je veux y être et je veux en être et je veux faire advenir ce monde le plus vite possible. Quel est ton conseil là, peut-être un peu trop pragmatique et j'ai peur de tuer la poésie que tu viens de faire exister pendant 20 minutes, mais quel est ton conseil quand même de ce premier mouvement ou de ce mouvement supplémentaire que les gens qui nous écoutent vont pouvoir faire pour justement se diriger vers ces 2030 glorieuses? De trouver des ressources qui les passionnent et de que ce soit leur excuse pour tirer un fil de la pelote de laine qui va leur permettre d'asseoir leurs convictions. Pour moi, c'est super important qu'on ne dise pas, enfin qu'on ne pense pas qu'il y a une manière d'être écolo ou qu'il y a une manière de s'engager dans la transition écologique ou de donner du sens à sa vie. Il y a des personnes qui vont être extrêmement touchées par les utopies et si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est certainement votre cas et c'est génial et du coup, plongez-vous là-dedans. Il y a plein de choses à faire, à construire et c'est génial et ce sera peut-être du coup, comme vous serez passionné, vous serez passionnant et ce sera votre manière d'être un agent d'influence efficace autour de vous pour se dire le monde, cette utopie, on doit la faire advenir, c'est absolument obligatoire. Mais si ça vous parle moins, si par exemple vous êtes révolté par les injustices, par le racisme par exemple, appuyez-vous sur cette colère légitime, appuyez-vous sur cette indignation pour en faire quelque chose, pour étudier le sujet, pour le raccrocher aux autres aussi, ça c'est important pour pouvoir parler à plus de monde parce que tout le monde ne sera pas forcément aussi touché par ce sujet que vous, mais en tout cas vous, ce sera votre porte d'entrée. Et je pense que le fait que chacun puisse se trouver légitime dans sa porte d'entrée, c'est super important. Il y en a, ça va être le zéro déchet, d'autres ça va être les injustices sociales, d'autres le maraîchage urbain, etc. Mais en tout cas, vous apporterez toujours aux gens qui vous écouteront, qui vous trouveront passionnant parce que vous leur apportez des ressources, etc. Et si en plus vous arrivez à tirer cette pelote et à les relier à tous les sujets annexes autour de la santé, de l'écologie et de l'éthique, ce sera génial parce que ça veut dire que vous pourrez toujours non seulement vous-même dans votre vie trouver des sujets de cohérence, même si ce sera parfait, vous trouverez votre cohérence et en plus vous pourrez plus facilement accompagner d'autres personnes là-dedans, même si elles n'ont pas exactement la même passion, le même sujet de focus ou de lutte que vous, vous pourrez la raccrocher à la même conviction qu'on a besoin de faire les choses de manière plus juste, plus éthique et plus écologique. Merci Hélène. Ça y est, cet épisode avec Hélène de Vestel vient de se terminer. Je savais que ça allait être dense, je savais que ça allait être riche, je savais que Hélène, elle allait apporter de la nuance, de la complexité, grâce à des réponses, ben voilà, longues, où elle recontextualise, où elle pose les choses, elle nous accompagne sur tout le déroulé de sa pensée. Et bon, ben forcément, je la connais bien maintenant, Hélène, donc je me suis pas trompé. Et puis c'était aussi une superbe expérience. J'espère que vous avez vécu comme moi avec gourmandise, comme dirait Mathieu Baudin. Avec gourmandise ce voyage en 2030 glorieuse, puisque vraiment j'avais l'impression d'y être, hein, dans sa manière de le raconter, de le décrire, d'expliquer tous les chambardements qui avaient eu lieu en l'espace d'une petite dizaine d'années, et aussi bah, du coup toutes les frictions qui existaient encore et les transformations beaucoup plus profondes que les simples solutions techniques à aborder pour drastiquement, radicalement changer notre mode de vie. Enfin bref, c'était passionnant. Gardez les précieux conseils que vous a prodigué Hélène, dont celui d'arriver à trouver voilà, hein, ce qui fait que vous avez un peu en vous cette énergie infinie qui vous portera dans votre action en fonction de vos passions, en fonction de ce qui fait que vous pouvez vous renseigner pendant des heures et des heures sans vous en rendre compte. Et je pense qu'effectivement, en général, c'est là-dedans que ça vaut le coup de se lancer, en acceptant bah, de ne pas pouvoir tout faire, en acceptant de toujours avoir une action imparfaite qui est en amélioration constante, et en acceptant qu'il y aura d'autres personnes sur d'autres domaines qui, elles aussi, feront le même travail. Et donc, voilà, il y a aussi cette confiance à développer dans la capacité du collectif à pouvoir répondre à tous les maux de nos sociétés, et en l'occurrence à proposer les alternatives qui feront vraiment bouger les choses une bonne fois pour toutes. J'ai hâte de vous proposer de nouveaux voyages, au moins aussi enthousiasmants que celui qu'on a vécu aujourd'hui, et je vous dis à très vite. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommencepermoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!